On va accueillir maintenant Jean-Luc qui va nous parler de Révolution française et du peuple et des élites sous la Révolution française. Et moi, je te laisse faire. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je pense qu'on va continuer la discussion qu'on avait parce qu'en effet, je vais vous parler un petit peu de du processus, de ce qu'on a appelé le processus d'entrée en révolution pendant la Révolution française et du partage qui s'est fait assez rapidement entre ceux qui se prétendaient les élites et ceux qui parlaient au nom du peuple. Donc je pense que ça reviendrait à un certain nombre de choses sur le populisme. Sans revenir là-dessus, je partirai de ce qui s'est passé il y a quelques jours sur la place, de l'homogénéité et de la manière dont les médias ont réagi à l'expulsion de Finkielkraut, qui a stigmatisé finalement ce qui se passait sur cette place, a eu des mots assez durs. Et ces mots assez durs, quand on travaille sur la Révolution française, ils ont déjà été prononcés par d'autres représentations de l'élite. Il suffit de passer à une autre place, la place de la Bastille, le 14 juillet 1789. Quand on a su que le peuple prenait la Bastille, il faut savoir qu'à Versailles, les députés qui représentaient le tiers-État ont eu peur. Et en quelque sorte, ont repris les mêmes mots que Finkielkraut, à savoir, ils avaient peur de la violence qui s'exprimait et il fallait absolument, selon eux, arrêter la Révolution française. Et finalement, dès ce qui nous, on considère comme le début de la Révolution française, marque finalement une tension, un problème qui, à mon avis, se pose aujourd'hui entre ce qu'on pourrait appeler eux et quelque chose d'autre. C'est-à-dire eux, ceux qui sont susceptibles, parce que élus, c'est-à-dire susceptibles de parler au nom du peuple, et puis les autres, c'est-à-dire le peuple qui s'exprime dans des lieux différents, sous des formes différentes, et qui a de moins en moins le droit, finalement, de prendre la parole par lui-même. Et il faut savoir que cette distinction entre, finalement, un peuple qu'il faudrait éduquer, un peuple enfant, un peuple qui ne comprendrait pas toutes les réformes, donc il faudrait lui expliquer, et des élites qui auraient, finalement, le monopole de la raison, le monopole de l'intelligence, on le retrouve dès le début de la Révolution française. Selon un processus qu'on connaît assez bien, c'est-à-dire que les élites qui vont être élues et qui sont élues par le peuple, c'est-à-dire les élites du tiers-État, vont immédiatement se revendiquer comme des représentants des Lumières, comme des représentants de la raison. Et naturellement, lorsqu'ils se représentent comme cela, c'est comme objectif de répondre à la véritable agression, qui n'est pas à ce moment-là le peuple, mais les contre-révolutionnaires, mais le roi. Il s'agit, en se revendiquant des Lumières, de réagir contre tous ceux qui veulent restaurer ou du moins ne rien changer. Or, finalement, cette revendication des élites politiques qui se revendiquent au nom de la raison, ça va immédiatement poser quelque chose qui va être quelque chose qu'on va retrouver pendant toute la Révolution, à savoir des élites qui vont se revendiquer comme rationnelles, parlant au nom de la raison, et un peuple qu'ils vont considérer à chaque fois comme enfant. Un peuple, selon les termes de l'époque, qu'il faut civiliser, qu'il faut régénérer. Aujourd'hui, on dirait qu'il faut simplement éduquer, instruire. Éduquer, c'est important parce que derrière ça, il y a le problème des mœurs, c'est-à-dire on retrouve le problème de la violence. Et finalement, ce qui va se poser dès 1789, c'est justement cette tension entre un peuple qui va plusieurs fois prendre la parole par lui-même, un peuple qui s'organise sans attendre justement que les élites disent comment il faut s'organiser. Lorsqu'il prend la Bastille, lorsque dans les campagnes françaises, en été 1789, on commence à se révolter contre ce qui est considéré comme la barbarie seigneuriale, quelques années plus tard, le peuple tout seul commence à se réunir, se rassembler, se réapproprier des lieux. Il faut savoir que la prise de la Bastille va être suivie immédiatement après par une réappropriation de la place de la Bastille qui avait été considérée comme un lieu qui avait été en quelque sorte dépopularisé. Donc la manière dont ce peuple commençait à se réunir, etc., cela va poser immédiatement des problèmes, des tensions qui vont apparaître dès 1789 et qui vont ne cesser finalement de s'agrandir. Et en particulier, tout à l'heure on parlait de république, à partir de 1792, lorsqu'on commence à voir naître la première république, eh bien on va voir naître justement cette tension qui est rejouée finalement pendant tout le 19e et je pense encore aujourd'hui, entre ce qu'on pourrait appeler une république civilisatrice, c'est-à-dire une république des gens consacrés qui passent par le vote, et une république populaire ou une république démocratique, c'est-à-dire une république qui se joue ailleurs, qui se joue dans d'autres lieux. Alors ça ne veut pas dire justement, et tout à l'heure lorsqu'on parlait des populistes, c'est ça qui est intéressant, ça ne veut pas dire que ces deux conceptions de la république ont été toujours opposées. S'il y a eu la Révolution française, c'est que justement, à un moment donné, il y a eu une conjonction ou une convergence entre des élites qui voulaient la Révolution. C'est-à-dire qui voulaient finalement une Révolution selon un processus. C'était une politique où il fallait, qu'on pourrait appeler en fait une politique millénariste. Et des élites qui voulaient finalement, en éduquant le peuple, penser que tout d'un coup, un avenir allait permettre à ce peuple d'être éduqué, donc qu'à l'avenir à être meilleur. Ces élites, à un moment donné, se sont mis à rencontrer le peuple. Je pense qu'on a tous entendu parler de gens comme Jean-Paul Marat, comme Robespierre. Ce sont des populistes, au sens où on le rappelait tout à l'heure, c'est-à-dire au sens forgé pendant la Révolution russe au XIXe siècle, c'est-à-dire des gens qui ont voulu s'exprimer au nom du peuple et qui ont cherché à faire que les revendications du peuple, un peuple qui ne voulait pas attendre, qui voulait que les choses changent immédiatement, parce que naturellement, là encore, c'est quelque chose de problématique entre ceux qui disent « un jour ce sera mieux, mais quel jour ?» Et puis bah, ceux qui, pour des raisons qu'on connaît bien sous la Révolution française, parce qu'il y avait des problèmes économiques, parce que les gens avaient faim, tout simplement parce que les gens se voulaient se réapproprier une parole politique, eh bien des gens qui ont commencé à s'organiser tout seuls. Entre ces deux mouvements, il y a eu des connexions. Ces connexions, elles ont existé avec plein de limites. Mais elles ont existé à un moment donné entre 1793 et 1794, pendant une période qui, dans la mémoire collective en France, on a tendance toujours à ravaler du côté des violences, de la terreur, cette fameuse terreur dont on n'ose pas souvent parler et qui constitue en quelque sorte une sorte de légende noire de la Révolution française. Or, il faut savoir que la terreur, un petit peu comme le sera plus tard, et le seront plus tard sans doute, les révolutions de 1848 ou la Commune de 1870, ce moment terroriste a été un moment justement où on a cherché à connecter, à rendre possible la relation entre cette révolution des élites. Robespierre, c'est un millénariste. Robespierre, ce n'est pas forcément un démocrate. Robespierre, il se méfie du peuple. Mais à un moment donné, il dit qu'il faut écouter le peuple, entendre ce que le peuple a à dire et tenter d'adapter sa politique au peuple. Et puis, en effet, des catégories populaires qui sont au-delà même des sans-culottes, qui veulent faire entendre une parole, qui se sont organisées et qui ont finalement permis à la République de s'installer. Je rappellerai que entre 1792 et 1794, sans la mobilisation du peuple, qui peut prendre en effet des formes de violence extrêmes, pourrait-on dire. Mais il faut savoir que la violence a aussi une signification. Être violent, c'est envoyer quelque chose. C'est simplement faire peur. Et c'est vrai que pendant la Révolution française, on retrouve des formes un peu extrêmes, qui peuvent paraître anachroniques. On est quand même à la fin du XVIIIe siècle. Couper une tête, il faut savoir qu'en 1789, en 1794, couper une tête, ça choque. Mais si on coupe la tête, c'est pour envoyer un message. Et ce message, naturellement, il peut être contestable, contesté, mais cette violence, elle a un rôle dans le jeu politique qui oppose, pourrait-on dire, et en même temps réunit les élites et le peuple. Et il faut savoir qu'à la suite, et c'est pour ça que c'est assez intéressant de voir comment, malheureusement, tout d'un coup, on peut sortir de la République, tomber dans un autre régime. À partir de 1794-1795, une autre République va se mettre en place, ce qu'on appelle la République du Directoire. Et cette République du Directoire ne va avoir de cesse qu'empêcher cette expression, pourrait-on dire, spontanée, hors institution du peuple. On va commencer par interdire justement la possibilité de se réunir en club. On va interdire progressivement la possibilité de se réunir en public. Bref, de plus en plus, si vous voulez, on va tenter de réduire l'expression politique à ce qu'on appelait à ce moment-là la République, c'est-à-dire on cherche à faire que le peuple ne s'exprime que pendant les élections. Alors c'est vrai qu'à partir de 1795, on adopte un calendrier électoral particulièrement précis. Manque de peau pour les élites républicaines, à chaque fois que le peuple vote mal. Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple vote mal? Il vote très souvent pour la droite. À partir de 1796-1797, il y a les premières élections et le peuple vote pour les royalistes. Alors ces élites républicaines, qu'est-ce qu'elles se retrouvent à faire? À casser les élections. On casse les élections, on invalide les élections. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et puis naturellement, face à cela, vous allez avoir une scission au sein de ces élites républicaines. Certaines vont dire, attention, elles sont minoritaires, mais elles prennent à un moment donné le pouvoir. Et ces élites-là disent, attention, si on veut garder la République, c'est-à-dire une forme de connexion entre des pouvoirs qui sont issus de la souveraineté du peuple, mais aussi un peuple que l'on peut entendre en dehors des élections, il faut faire attention à ne pas comprimer uniquement toutes les formes d'expression du peuple. Donc il faut réouvrir les clubs, donc il faut réouvrir les journaux. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé en 1799, mais c'est pas cette frange, ces élites républicaines qui vont remporter la mise. Ce sont d'autres élites républicaines, celles qui vont justement commencer à parler au nom des élites, au nom de l'ordre, hein, et qui progressivement vont dire attention. Pour sauver la République, il ne faut pas écouter le peuple, il faut transformer la Constitution. Il faut réviser la Constitution. Et finalement, à partir de 1799, on va voir s'affronter deux notions de la République. Une notion qu'on pourrait dire une notion démocratique, qui s'exprime à l'Assemblée, mais aussi dans d'autres lieux, à Paris, en province, dans des clubs, dans des journaux. Et une autre notion de la République, une autre conception de la République, bah, qui va progressivement grandir, se renforcer et se retrouver autour de Bonaparte. Alors il faut savoir qu'en 1799, Bonaparte est républicain. Et c'est cette élite qui va se réunir autour de Bonaparte, qu'on peut appeler une élite républicaine conservatrice, qui va à un moment donné légitimer la prise de pouvoir de Bonaparte. Et la prise de pouvoir de Bonaparte, je vous rappellerai juste que quand Bonaparte arrive au pouvoir, Bonaparte dit qu'il est républicain. Bonaparte dit qu'il est républicain, mais qu'il veut terminer la Révolution. Il veut fermer le livre de la Révolution. Et qu'est-ce que commence à faire Bonaparte? Eh bien, il donne un suffrage universel. C'est-à-dire, contrairement à ce qui se passait avant, tout le monde a le droit de vote. Quand je dis tout le monde, c'est uniquement les hommes. Naturellement, les femmes, on n'en parle pas encore. Hein, on est quand même à la fin du 18e, début du 19e siècle. En tout cas, il donne un suffrage universel. Mais qu'est-ce qu'il fait parallèlement à ça? Il supprime absolument toutes les formes d'expression politique du peuple en dehors des élections. Et progressivement, qu'est-ce qui se passe finalement? C'est que ces républicains conservateurs, qui sont à l'origine donc de l'arrivée au pouvoir de Bonaparte, qui n'est absolument pas un homme providentiel, mais dont on a construit un espace politique, ces élites bonapartistes, pourrait-on dire, vont légitimer progressivement, tout en parlant de république, tout en parlant de réforme, tout en continuant à parler de civilisation, tout en continuant à parler au peuple, hein, c'est le fameux plébiscite populaire, eh bien elles vont transformer la République. Elles vont la vider de toute sa substance, c'est-à-dire n'en faire qu'une république de façade, une république aux mains des élites qui vont progressivement s'appuyant quand même sur deux pouvoirs. Hein, faut pas oublier l'armée et la police. Tout à l'heure, on parlait également du rôle de la répression. Hein, et naturellement, ça, on a déjà vu ça se mettre en place. Hein, c'est-à-dire, en quelque sorte, vous voyez, des élites qui arrivent et qui cherchent à désidéoliser le discours politique. Non, on ne fait pas de politique. On est entre gens raisonnables. On va finalement sortir de la Révolution. Et en disant ça, eh bien, progressivement, on va sortir de la République. Et finalement, le peuple ne va avoir... Le peuple ne meurt pas, vous imaginez bien. Le peuple continue à agir en politique. Mais désormais, le peuple, face au pouvoir qui se met en place, doit changer de technique, doit changer de stratégie. Et c'est la première fois, à partir de 1799-1800, qu'on commence à voir apparaître les fameux terroristes, c'est-à-dire l'usage de l'attentat pour essayer de pulvériser un pouvoir, personnaliser un pouvoir dont il faut attaquer donc l'incarnation. Hein. Et vous voyez que à partir du début du 19e siècle, eh bien, on va changer de question, changer de questionnement, et on va voir émerger, et ce sera le cas à partir de 1830-1848, d'autres options du peuple. Hein. Mais ce que je voulais dire là, c'est que en tant que quand on regarde l'histoire, il faut faire, l'histoire ne se répète pas. Hein. Naturellement, il ne s'agit pas d'essayer d'aller chercher des leçons dans ce que je viens de vous raconter, ni dans la Révolution française. Mais je pense que là où l'histoire peut être intéressante, c'est qu'elle peut donner des clés, comme peut le donner la sociologie, l'anthropologie, la philosophie. Elle peut donner des clés pour rester vigilant à un certain nombre de discours qui apparaissent, qui ne sont pas nouveaux naturellement, mais qui à chaque fois sont réactualisés pour des buts et des objectifs nouveaux, dans des contextes nouveaux, et que derrière ces discours, naturellement, il y a des processus qui se mettent progressivement en place, en jeu, et qui peuvent mener assez sournoisement à un abandon hein, des principes républicains. Il faut encore croire à la République aujourd'hui, du moins, en tout cas, je le pense. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que si la République vaut le coup d'être défendue, il faut savoir de quelle République on parle. Et s'il s'agit uniquement de défendre la République, une République confisquée par des élites conservatrices, rationnelles, réformistes, celle que voulait en quelque sorte incarner M. Finkielkraut, dont je parlais tout à l'heure, eh bien ça, je pense qu'il ne faut pas défendre, mais il faut repenser au rôle que peut avoir la place de la République aujourd'hui. Voilà, je vous remercie beaucoup. Y a-t-il des questions? Tout à l'heure, vous parliez de violence, découper les têtes, faire peur au pouvoir. pouvoir en place. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on ait forcément besoin d'être violent. Pas que j'ai pas envie d'être violent ou que d'autres personnes ont envie d'être violent, mais ça risquerait juste de monter les uns contre les autres. Ça ne donnera rien de bon et il y aura à nouveau des personnes plus intelligentes, plus malins qui vont essayer de récupérer ça d'une manière ou d'une autre pour en faire quelque chose. Mais par contre, ce qu'on peut faire aujourd'hui, ce qu'on peut commencer à faire, c'est peut-être essayer de créer un contre-pouvoir, d'élire nous-mêmes des personnes, l'organiser d'une manière régionale, des personnes qui sont élues et qui agissent pour notre intérêt. Des personnes qu'on pourrait peut-être, ou tout court ne pas élire, hein, mais plutôt les choisir au sort, les tirer au sort, donner un mandat d'un an. Bien sûr, il va se poser la question, comment on va les financer? Imaginez, on est 1 million. Et que 1 million de personnes, on choisit quelques personnes, une centaine, représentants, pour un an, comme ça, tirés au sort. Et ces 1 million, chacun donne 1 euro. On se retrouve avec 1 million d'euros. Donc, si on veut me parler de budget, le budget, c'est déjà réglé. Et à partir de là, si on a un contre-pouvoir mis en place qui nous représente et qui est là pour nos intérêts, étant donné qu'ils sont là pour un an, pendant un an, on ne pourra pas avoir le temps justement de travailler pour des lobbies ou quoi que ce soit. Parce que là, si on est tous réunis ici aujourd'hui, c'est pour une raison. C'est pas pour seulement parler du passé et en tirer les leçons. Mais c'est aussi agir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est le futur. Et donc, dans le raisonnement, ce que je voulais dire, oui, mettre en place un contre-pouvoir, mettre en place des commissions qui empêchent les gens justement de se rapprocher des lobbies. Parce que qu'est-ce qu'on a besoin essentiellement? On veut tous à la fin du mois notre petit salaire, pouvoir s'exprimer. Enfin, on a juste besoin, on veut juste tous être heureux au fait quelque part. On veut juste voilà, être là, peinard, tranquille et puis c'est tout quoi. On cherche pas plus. On veut pas dominer le reste du monde ou quoi que ce soit. Non, on est en France, on veut pouvoir jouir de toutes nos libertés et puis c'est tout. Comme on dit, la liberté s'arrête là où elle empiète sur la liberté de quelqu'un d'autre. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir le droit de s'exprimer et avoir le droit de vivre d'une manière la plus normale. Pour faire ça, il faudrait commencer peut-être à élire ou à trouver, à tirer au sort des représentants. Et c'est là où on aura un poids. Ça ne sert à rien tous les jours de venir et de parler. On parle, mais il faut agir quand? Parce que ça aussi, c'est une sorte de violence. Aller se chercher nous-mêmes nos représentants. Mettre en place nous-mêmes nos codes et justement agir nous-mêmes. Ça aussi, c'est une menace et une violence. Voilà. Merci. Oui, peut-être avant que vous répondiez, parce que ça rebondit sur ce qui vient d'être dit. Est-ce que, avant donc, de mettre en place peut-être un... Enfin bon, il y a beaucoup de débats sur le tirage au sort... Mais est-ce qu'il serait pas possible déjà de remplacer le Conseil constitutionnel par un Conseil citoyen? C'est-à-dire que la fonction qu'a le Conseil constitutionnel, qui a quand même un droit de veto, est-ce qu'il pourrait justement être pensé à sa place? Parce que bon, quand même, il reprend les anciens dirigeants, enfin... être pensé à sa place, eh bien voilà, le tirage au sort d'une centaine de citoyens qui... Alors... Je sais pas si la question après, qu'ils soient volontaires, pas volontaires, ou qu'on les tire vraiment en sort, parce que déjà, s'ils sont volontaires, c'est qu'ils sont déjà impliqués, donc bon. C'est pas forcément nécessaire, je pense. Et donc, est-ce que ça, vous pensez par exemple que ce serait possible que ce soit mis en place sans changer toutes les institutions actuelles? Je sais pas si vous voulez répondre ou prendre d'autres questions. Je voudrais juste répondre 30 secondes sur la violence, hein, pour bien qu'on s'entende. Naturellement, quand j'ai parlé de la violence, couper les têtes, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la violence qui nous choque, nous, est une réponse à une violence qui a été exprimée quand même pendant tout l'Ancien Régime, pendant tout le XVIIIe siècle, une violence de l'État quand même. Les Parisiens les plus vieux qui ont pris la Bastille se souvenaient qu'à Paris, quelques années plus tard, quelques décennies plus tard, il y avait eu... pendant plusieurs jours, une exécution publique, hein, d'un quelqu'un qui a tenté de tuer le roi. Et c'est une violence particulièrement morbide, enfin particulièrement spectaculaire. Et je pense qu'il ne faut pas oublier en arrière-plan, quand on parle de ces décennies, de tout ça, de tout ce problème de la violence. Voilà, après je pourrais reprendre, mais après je dirais que je suis moins expert que... voilà. Bonjour Pascal. Moi, justement, pour rebondir sur ces problématiques de tirage au sort ou de notion de peuple, je sais qu'en justice, apparemment, on a aboli la peine de mort, évidemment, mais il faut savoir donc qu'il y avait des citoyens français qui, par tirage au sort, pouvaient se retrouver en jury d'assises. La plupart du temps, on croit toujours... Déjà, c'est vrai que peu d'entre nous, peut-être, font cette expérience, puisqu'on s'imagine jamais qu'on va être tiré au sort. Donc, quelque part, inconsciemment, on n'envisage même pas cette idée-là. Or, évidemment, en justice, on voit bien qu'à un moment donné, à tout moment, un citoyen ordinaire, qui a son quotidien, va pouvoir se trouver confronté à cette réalité, c'est-à-dire rendre la justice au nom du peuple. Et donc, c'est vrai que j'ai l'impression que dans le champ politique, cette notion-là s'est organisée complètement différemment. C'est pour ça que on pourra peut-être... C'est un peu ma question. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, en France, finalement, quelque part, hein, même, on pouvait faire encore la sale besogne, faire la sale besogne au peuple, en faisant y compris couper une tête, enfin je pense notamment à l'affaire Annucci, hein, et pourquoi dans le champ politique, on a complètement abandonné cette idée qu'à un moment donné, il faut peut-être reprendre le temps de demander à des citoyens ordinaires, avec la confiance des autres évidemment, de participer à des choses très importantes, et je trouve que le Conseil constitutionnel, c'est un très bon exemple, où sur un temps donné, ils auraient à réfléchir et à rendre au nom du peuple une décision, qui pourrait, y compris, pourquoi pas, être reconfirmé par référendum populaire. Voilà ma question. Comment se fait-il que dans le champ de la justice, cette notion de peuple et de tirage au sort fonctionne encore ? Bonjour. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que vous n'avez pas indiqué que d'avoir coupé la tête du roi, c'était aussi l'abolition des privilèges, qui aujourd'hui... sont un petit peu trop visibles. Et comment faire pour ne plus voter pour des gens qui ont des intérêts financiers dans des groupes pétroliers, pharmaceutiques, agroalimentaires, ce qui nous tient tous par les burnes, si je peux dire ça. Donc c'est le seul point que j'aurais aimé que vous développiez et que vous n'avez pas assez développé. Donc si vous pouviez... En fait, juste pour rebondir sur la justice, je suis désolée, mais le jury populaire existe uniquement dans les assises. Et on veut le supprimer. Hein ? Donc la justice souffre aussi de son isolement. Les citoyens ne sont pas du tout impliqués dans les décisions judiciaires. Ça, c'est un problème qu'il faudra soulever. Je suis d'accord avec vous. L'autre problème, nos députés ne sont pas du tout représentatifs de la société civile. Vous avez 30% de députés fonctionnaires, c'est-à-dire qui sont détachés de la fonction publique. Et elle est où la séparation des pouvoirs ? Ben, elle n'existe pas. Il y a une faille déjà là. Il faut travailler là-dessus. Il faudrait que les députés soient plus représentatifs de la société. Il faudrait, par exemple, des députés qui représentent les handicapés, des députés qui représentent les chômeurs, des députés qui représentent les retraités, des députés qui représentent... Là, aujourd'hui, il y a des députés qui représentent des magistrats, des avocats, des fonctionnaires publics, un petit peu d'agriculteurs et beaucoup d'entreprises. Elle est où, la société, là-dedans ? Ils ne peuvent pas voter en disant qu'on vote, on est les porte-parole du peuple. Non, ils ne sont pas les porte-parole du peuple, puisqu'on sait que les lobbies circulent beaucoup en Assemblée nationale, dans l'Assemblée nationale, et proposent des lois clés en main. Et les députés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les votent, c'est tout. Le travail est déjà fait par les grosses entreprises. Et tout est comme ça. Tout est comme ça. Aujourd'hui, c'est les lois qui sont proposées profitent plus pour les gros industriels et les lobbies et les groupes de pression que les citoyens. Donc il ne faut plus laisser ces gens-là faire des lois, il faut que ce soit le citoyen qui écrit des lois, parce que le citoyen sait ce qui lui va, ce qui profite à son intérêt et ce qui ne profite pas à l'intérêt commun. Donc il faut plutôt enlever l'écriture de la loi, de la Constitution, à ceux qui nous ont trahis. Je ne sais pas si vous voulez répondre ou prendre une dernière question. Alors moi, je voulais juste rebondir un petit peu sur le tirage au sort, parce que moi, ça me fait pas mal penser à la question La Nuit Debout, par exemple. Comment elle arrive à trouver quand même des représentants ou des gens qui portent la parole sans que ces gens-là aient des intérêts autres voilà, que ce soit économique ou politique, ou parce que on a quand même des gens qui sont préparés à des sortes de révoltes et qui pourraient prendre en main ce mouvement, que ce soit l'extrême gauche, j'en sais rien. Et puisqu'on parle d'histoire, j'avais une petite histoire à raconter justement. C'est la ville de Venise au 15e siècle, 14 quelque chose, qui devait défendre justement les intérêts de la ville. Et l'élection, le système électoral de la ville de Venise, de la République de Venise, à l'époque, était une sorte de labyrinthe. C'est l'un des systèmes électoraux les plus fous que j'ai jamais vu, qui combine l'élection et le tirage au sort. Donc, sur une place, on a un petit gamin qui est choisi au hasard, qui s'appelle le Palottino, quelque chose comme ça. Et ce Palottino, il a 40 billes, qui représentent 40 doges. Dans ces 40 billes, on en tire quelques-uns au sort. Ceux-là vont élire d'autres doges qui seront ensuite réduits par tirage au sort. Et puis ça s'enchaîne. Il y a 5 tours, je crois, ou plus. Moi, je trouvais ça super intéressant comme approche. Et ça peut nous inspirer justement sans reproduire exactement la même chose. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que on exclut maximal, sans forcément l'exclure à 100%, cette idée de... d'où viennent les gens qui prennent la parole? D'où viennent, justement, si on parle de démagogie ou de populisme ou de démocratie, c'est des termes qui sont quand même assez proches. Le tirage au sort peut carrément rajouter quelque chose à ça. Si on parle du système politique qu'on a aujourd'hui, c'est intéressant de le remettre en question. Par contre, la nuit debout, c'est aussi un champ expérimental qui peut nous aider à donner des alternatives, quoi. Bonjour. En fait, c'est aussi par rapport à cette histoire de tirage au sort et aussi de ce que vous nommez conseil citoyen. Et en fait, du coup, j'en profite pour partager une info, moi, que j'ai eue relativement récemment, mais peut-être que plein d'entre vous sont déjà au courant. Et c'est une info que je partage de manière assez nouvelle, parce que moi-même, je ne sais pas vraiment comment me positionner vis-à-vis de ça. Mais en tous les cas, parce que bon, moi, je fais partie d'une association culturelle à Montreuil, donc c'est pour ça que j'ai été contactée dans ce sens-là. Il y a donc, je crois, depuis 2014, est mis en place ce qu'on appelle des conseils citoyens au niveau des quartiers politiques de la ville. Hein. Donc, les quartiers politiques de la ville, ça vaut le coup de regarder parce que vous pouvez voir de quelle manière la ville redécoupée dans voilà, c'est finalement, ça correspond pas à des arrondissements ou c'est des quartiers qui se superposent par rapport à une carte et qui ont été calculés à partir de l'indice de pauvreté par habitant. Hein. Bon, je vous le dis de manière un peu comme ça, voilà. Et donc, dans ces quartiers politiques de la ville, maintenant, ils instaurent ce qu'ils appellent des conseils citoyens. Et là où c'est un petit peu curieux, c'est que c'est en fait obligatoire. donc c'est une, ça a été légiféré, donc est mis en place ces conseils citoyens de manière obligatoire. Mais en même temps, ils sont ouverts aux citoyens et aux représentants, les acteurs locaux. Et ce par tirage au sort. Donc voilà, je veux dire dans un contexte de politisation collective, participative, etc. En tous les cas, ça peut être intéressant de jeter un coup d'œil, de voir comment et si on veut s'y investir. Ça touche absolument du coup à toutes les questions, même aux questions d'habitat, aux questions de logements sociaux, aux questions de comment rendre une rue verte. Enfin voilà, je veux dire, ça pose... Voilà, donc c'était juste une information à partager. En ce qui concerne mon quartier, la date butoir c'est le 13 mai, donc je sais pas, je crois qu'il y a eu des votes différents, il y a des calendriers différents qui se mettent en place, mais c'est une info que je partage. Voilà. Merci beaucoup. On va peut-être vous laisser répondre. Ce sera moins des réponses que moi-même rebondir, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Alors naturellement, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à tout ce que vous avez dit, la période révolutionnaire est un véritable laboratoire. Il y a eu plein de choses puisque, naturellement, les individus, les citoyens ont dû inventer immédiatement des modes d'expression collective. Alors, très souvent, ils ont évacué le tirage au sort. Hein, le tirage au sort était considéré à ce moment-là comme justement un possible retour à une sorte d'arbitraire. Donc, l'élection a toujours été au cœur du système. Mais une élection qui était à tous les niveaux et partout. C'est-à-dire, ce qu'on oublie, c'est que les juges étaient élus, les administrateurs étaient élus, je dirais même les curés étaient élus. Hein, il y avait tout un ensemble d'élections. Et c'est assez problématique, d'ailleurs, parce que vous imaginez bien le nombre de fois qu'il fallait voter, d'où naturellement beaucoup d'élections, ça veut aussi dire parfois beaucoup d'abstention. Donc voilà, sur le côté tirage au sort, en tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est de voir finalement le processus de fabrication de la loi. Parce que finalement, beaucoup de questions tournaient autour de ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, la loi est quelque chose qui vient automatiquement d'en haut. Hein, c'est-à-dire que même s'il y a beaucoup de conseils de citoyens, je dirais que le problème, c'est le niveau intermédiaire entre les conseils de citoyens et ceux qui font la loi. Et très souvent, justement, on crée des conseils de citoyens pour tenter de neutraliser une sorte d'opposition sans forcément que ces conseils donnent lieu à effectivement une productibilité de la loi. Or, pendant la période révolutionnaire, il y a eu des tentatives. Il ne faut pas oublier qu'il y a une constitution qui n'a jamais été mise en place quand même, mais qui... Alors justement, parmi les nombreux laboratoires qu'il y a eu lors de ce qui n'a pas été mis en place à partir de 1793-1794, vous avez tout un mouvement qui se développe non pas à Paris, hein, mais dans les provinces, à Marseille, à Lyon, dans les villes hein, principalement, mais pas simplement, hein, justement, qui tendent à créer ce qu'ils appelaient à l'époque des congrès populaires. Des congrès populaires, c'est-à-dire des gens qui se rassemblaient, qui élisaient des porte-paroles hein, sur une durée, alors tout à l'heure on l'a dit, sur une durée très courte, hein, très souvent de 3 à 6 mois. D'accord ? Il pourrait justement permettre de pas qu'il y ait de confiscation des pouvoirs. Et à ce moment-là, si vous voulez, il y a eu des tentatives justement de faire remonter des lois vers la Convention nationale, vers l'Assemblée. Alors comme tout à l'heure, je disais que Robespierre n'était pas démocrate, c'est qu'il faut savoir que toutes ces expériences ont été progressivement hein, cadenassées, éliminées hein, pendant cette période. Le processus de la Révolution française, il est un peu double. En même temps, c'est un processus de politisation extrême et en même temps, je vous réponds, c'est un processus de confiscation progressive du pouvoir. C'est-à-dire que c'est vrai, vous le dites, il y a l'abolition des privilèges qui est faite lors de la fameuse nuit du 4 août. Il y a le fait qu'on... par la déclaration des droits de l'homme, qu'on dise que tous les pouvoirs viennent du bas, mais progressivement, qu'est-ce qui se passe? Il y a une confiscation des pouvoirs, et en particulier du pouvoir qui est de faire la loi, par le haut. Et là, on voit apparaître cette notion d'expert politique. Il y a une professionnalisation du métier politique. Ça va très vite, c'est-à-dire qu'en moins de 10 ans, on voit émerger des gens qui s'intitulent des professionnels de la politique. C'est-à-dire des gens qui viennent de certaines professions, des juristes qui émergent d'un certain mode d'école. Hein. Faut pas oublier qu'on voit apparaître les grandes écoles pendant cette période-là. Et progressivement, on voit émerger la figure de l'expert qui va parler au nom des autres, au nom du peuple. Et donc, vous voyez, ça va très vite. Et en moins de 10-15 ans, eh bien, on voit apparaître, hein, derrière ce mot de république, eh bien, on voit apparaître une parole qui est de plus en plus confisquée. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tout, je m'en excuse. Merci. On est un peu occupé. On est un peu occupé, c'est pour quoi ? Oui, c'est pour aller soutenir les camarades qui sont en manifestation à Gare du Nord. Bonjour, excusez-moi, je vole la parole deux petites secondes pour vous avertir qu'il y a une manifestation à Gare du Nord de camarades qui ont bloqué un McDo qui sont menacés par la police avec une autre manifestation autour de la police et on essaie de négocier que tout le monde dorme chez soi ce soir bien tranquillement. Donc on part dans 5 minutes de devant le métro, c'est à Gare du Nord à 3 stations. Si on peut être nombreux pour que ça se passe bien et que voilà, qu'il n'y ait pas de débordement et pas de violence, ce serait super. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, c'est dans 5 minutes devant le métro, devant les marches. Merci beaucoup. Merci. Oui, avant de prendre une question, je voulais juste vous dire qu'on va faire circuler en fait une boîte qui permettrait de faire continuer en fait cette éducation populaire. peut continuer? On peut continuer? On peut continuer? Yes, yes. Mais oui, mais j'attends qu'il ait, parce que je coupe pas la parole, a priori. Donc, j'attends, c'est un peu normal, parce qu'il est en train de discuter. Donc, est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît? Oui. Bonjour, Caro Bio. Je suis plutôt d'habitude dans la commission écologique, mais l'écologie et la démocratie doivent aller de pair. Et si on se pose pas de la question de qui nous font les lois sur l'écologie, c'est bien le bordel dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Donc, ma question pour monsieur, mais ça serait bien si on arrivait à... Bon, ça fait rien. On va continuer. On a envisagé les différentes assemblées, à savoir si les députés ne sont pas représentatifs du peuple, parce qu'on se contente à l'heure actuelle d'une démocratie représentative. Mais il y a un conseil qui est fait pour ça. C'est juste que c'est pas respecté. Ça s'appelle le CESE, Conseil économique et social et environnemental. Il était normalement fait pour ça. Mais maintenant, c'est la maison de retraite. Voilà. C'est comme le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel avait pour vocation de vérifier que les politiques ne dérapent pas, qu'ils ne fassent pas des choses qui sont anticonstitutionnelles et qu'ils essayent de le passer là-dessous, et hop, ça ira bien comme ça par un décret. Donc toutes ces assemblées ont bien des rôles normalement tout à fait fixes. C'est juste qu'elles ne respectent pas ni leur rôle, ni leur fonction, ni leur éthique. Donc est-ce que le problème fondamental n'est pas ce à quoi Anticor nous a alerté déjà dans les élections 2012? La charte morale de n'importe quelle politique en France, n'importe quel politicien, quel que soit son petit ou grand pouvoir, ça va du conseil municipal jusqu'à la présidence de la République. Est-ce que c'est pas cela? Nous avons à réfléchir d'une charte morale pour toute personne qui a la moindre responsabilité. Parce que demain, si vous êtes à la constituante en tant que citoyen et au sort ou élu, quelle va être votre éthique à chacun d'entre nous? Est-ce qu'on va faire passer l'intérêt général avant notre intérêt particulier, avant notre intérêt personnel, avant notre future carrière? Est-ce qu'on va pas déraper comme les autres et devenir cloche et fada comme nous tous nos politiciens? Eh bien, il y a une seule façon de se border, c'est une charte qui doit être signée par toute personne qui prend des responsabilités. Voilà, c'était la petite option. Oui, juste pour dire, en fait, je suis un peu de son avis, c'est que moi je suis venu ici en tant qu'observateur à l'origine. On n'ose pas trop parler, on veut voir ce qui se passe. Il y a une, juste pour faire rapidement, en fait, il y a une discussion qui se fait actuellement, d'ailleurs, qui sur Internet également, c'est qu'il y a, vous avez les banlieues qui, pour le moment, ne veulent pas s'investir, notamment par rapport à ce qui s'est passé en 2005, etc., avec la révolte des banlieues. Avec la révolte des banlieues, les quartiers n'osent pas, en fait, de s'intégrer parce qu'ils ont peur, ils n'ont pas confiance, voilà. Donc j'espère. Ouais, ils n'ont pas confiance, c'est ce que je dis. Et donc voilà, c'était juste pour expliquer ça, en fait. Il a eu, je pense, une discussion très intéressante, mais il ne veut pas en parler, en fait, devant tout le monde pour le moment. Voilà. Tout à l'heure, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport aux politiciens qui font les choses par rapport à leur intérêt et tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est que... ça servirait à rien de faire une charte. Il faudrait faire un projet de loi. Mais ce projet de loi, il faudrait faire une loi qui, justement, qui pourrait punir nos députés. Justement. Mais qui vote? Ce sont les députés. Donc, on se retrouve dans une situation où, je suis désolé, si je suis un voleur, je vais pas voter pour me faire enfermer. Je ne suis pas bête. Donc, en quelque sorte, ça ne va pas marcher. La charte est laquelle pouvoir judiciaire? Aucune. Parce que tant que c'est pas une loi, ça ne passe pas, ça n'a pas de légalité. En tant que tel, on a besoin de quelque chose de légal et de légitime. Et pour avoir quelque chose de légal et de légitime, il faudrait aussi avoir peut-être un autre système de représentation. Pas forcément le tirage au sort, mais l'avantage que le tirage de sort a, c'est au moins... on aura des personnes qui sont là, mais pas pour leur propre intérêt, mais pour l'intérêt de tout le monde. En limitant le pouvoir, en limitant la durée du pouvoir, ils pourront pas faire beaucoup de dégâts en un an. Je suis désolé, les personnes qui ont le pouvoir pendant 5 ans et 1 an, ça fait quand même une différence. Sans parler du fait qu'on pourrait aussi créer des commissions, justement. Des commissions qui sont là, justement, pour encadrer. pour encadrer, encore une fois, pendant un an. Parce que le problème avec eux, si quelqu'un garde le pouvoir trop longtemps, il finit par le confisquer. Alors que si on donne un pouvoir d'une manière assez courte et sans conséquences dans le futur, dans le futur, je veux dire par là, nos anciens présidents de la République, une fois qu'ils ont terminé, ils ont quand même une indemnisation par mois jusqu'à 30 000 euros, voire plus, à vie, plus d'autres privilèges. Ce qui veut dire que ils nous coûtent assez cher. Alors que là, si on élisait si on a justement des personnes qui sont là pour un temps court et que après justement, ils n'ont pas d'indemnité parce qu'ils retourneraient à leur vie civile normale. Donc, ils retourneront à leur vie civile normale. Et à partir de là, je pense que on pourrait vraiment faire quelque chose. Parce que à chaque fois dire, oui, non, mais il faudrait faire une charte, la charte ne servira à rien. Non, je pense qu'il y a plusieurs questions, en fait. Je ne sais pas si c'est le temps de finir, j'écoutais pas. Bonjour. Alors, moi, j'ai une proposition à faire. Ça concerne le système de vote. Actuellement, en fait, on est un peu prisonnier du... Vous m'entendez, là ? Tout le monde ? Ouais, d'accord. On est un peu prisonnier d'un système de vote où, en fait, on choisit qu'une seule personne. Et concrètement, il y a un peu ce qu'on appelle le piège du vote utile. C'est-à-dire qu'il y a un petit candidat que vous aimez bien, mais vous allez voter pour un candidat plus populaire qui représente pas tout à fait vos idées, mais qui est pas trop loin. Et en fait, une alternative, ça pourrait être le vote par note. Le vote par note, en fait, vous allez noter chaque candidat. Concrètement, vous pouvez mettre 5 notes, très bien, bien, assez bien, passable, à rejeter. Donc, vous allez, ça va permettre aux petits candidats d'émerger. Si aucun candidat qui vous va, vous faites à rejeter à tout le monde, c'est l'équivalent du vote blanc. Et du coup, ça permet beaucoup plus de possibilités. Alors, évidemment, ça prendra un peu plus de temps pour faire trouver les résultats, mais ça ne prendra pas forcément beaucoup plus. Je veux dire, ça sera... c'est faisable. Techniquement, c'est pas un problème. On est au 21e siècle, il y a l'informatique. Donc voilà, donc c'est le vote par note. Voilà, donc c'est la proposition que je voulais vous faire. Voilà, merci. Oui, bonjour. Alors, par rapport à ce qui se dit, je sais pas si dans l'époque de la Révolution, au niveau du foisonnement des idées qui ont pu émerger, moi, je réfléchis à la notion de rotation dans l'exercice des responsabilités pour trouver une alternative, enfin un point plus équilibré entre la logique de l'élection de représentants, qui de toute façon, au bout du compte, même s'ils ont toutes les bonnes intentions de départ, vont au fur et à mesure ne plus représenter réellement ce pourquoi ils ont été élus. De toute façon, parce que le principe il est comme ça, parce que c'est consubstantiel pour moi de la logique de la démocratie représentative. Donc comment faire fonctionner une société où on n'est pas dépendant d'une logique de représentation? Et alors, par rapport au tirage au sort, peut-être améliorer un peu la question à réfléchir sur un principe de base de rotation, c'est-à-dire que on soit préparé dans la société, à l'école et dès le départ éventuellement, à assumer une partie des responsabilités de la chose publique, tous citoyens. On doit y passer dans notre vie éventuellement et penser qu'il y a un système qui fasse que par rotation, on devienne un élu municipal, enfin un membre du conseil municipal à un moment donné, un membre d'un conseil, d'un jury à un moment donné, un membre du conseil de contrôle de la constitution, un membre de etc. Mais réfléchir où par principe tout le monde assume une part de la responsabilité collective. Alors avec des rythmes, à décider, je veux dire, des délais, est-ce que c'est un an, est-ce que c'est 6 mois, est-ce que c'est ceci, cela. Et dans une logique où on est dans la rotation, ça veut dire aussi qu'on soit dans la logique de se préparer un peu à prendre le relais de quelqu'un d'autre. Donc c'est-à-dire qu'il y a aussi une logique de formation pendant les mois qui précèdent, la phase où on va prendre une partie de responsabilité. Moi, je pense que ce serait intéressant de réfléchir un peu dans cette logique-là, quoi. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez commencer à répondre ou Bonjour. Moi, ça fait 2 semaines que je suis là. Je prends juste le micro pour vous dire en fait qu'on a des camarades en fait qui sont partis en manifestation, je crois à Gare de l'Est et à Gare du Nord. Et ils sont tous nassés à Gare du Nord. Du coup, on aurait besoin de monde pour aller à Gare du Nord et aller les soutenir. Je pense que Nuit Debout, c'est très bien. On débat beaucoup de choses. Il y a des très bonnes idées qui émergent. Ça permet à des gens aussi de s'informer, de découvrir de nouvelles horizons. Mais faut aussi un moment passer aux actes, je pense. Et là, il y a des actes qui se font en ce moment. On a des camarades qui sont là tous les soirs, qui se font taper dessus par des CRS, qui se font gazer, qui sont nassés. Donc je vous demanderai de tout mon bon cœur de venir nous aider. Après, je comprendrai très bien aussi que vous restiez ici pour faire émerger des idées. C'est aussi très important. Merci à vous. Est-ce que vous voulez commencer à répondre ou prendre les deux dernières questions? Oui, bonjour tout le monde. Ça se voit qu'il y a de l'ambiance là. Il faudra un peu de musique, je pense, pour vous chauffer. Alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est pas toutes vos conneries d'associations, politiques, chartres ou je ne sais quoi. On peut pas vivre la vie, on peut pas vivre la politique, on peut pas vivre l'humanité si on pense à justement qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui se passe. Et tout le temps un conflit par rapport à l'autre, on va comparer. Alors, il y a lui qui a fait ça, moi je veux faire ça. Le FN c'est pas bien, ceci c'est pas bien, je sais pas bien. Arrêtez de toujours comparer, remettez-vous à l'échelle de votre humanité. L'humanité c'est l'homme, l'humanité c'est soi-même. Réfléchissez au problème par rapport à vous. Quand vous pensez à la loi du travail, replacez la loi du travail par rapport à l'humanité. L'humanité, c'est quoi? C'est les hommes, c'est pas la France. La loi du travail en France, c'est quoi? Malgré que ça soit une loi de merde, c'est la meilleure loi de quasi tous les pays du monde. Donc maintenant, commencez à critiquer ce qui doit être critiquable. Qu'est-ce qui est critiquable? Dites les banques. Les banques, une loi qui est sortie. Vous avez 100 000 euros sur votre compte en banque. Du jour au lendemain, s'il y a une faillite bancaire, une faillite de l'État, on vous prend 60% de votre compte en banque. Ça veut dire 60%, 60 000 euros sucrés sur 100 000 euros. Ensuite, on parle des migrants qui nous prennent de l'argent. On parle des migrants qui nous prennent de l'argent. Des politiques qui nous prennent de l'argent. Mais personne ne vous prend de l'argent. C'est pas constructif si vous pensez à ce que vous perdez. Il faut avancer. Le débat, c'est ça. Le débat, c'est la vie. Regardez, je parle et maintenant, on ne veut pas me laisser parler. Eh voilà, regardez, c'est pas le sujet. Il n'y a pas de sujet. Il me dit, c'est pas le sujet. Moi, je suis en train de dire qu'il n'y a pas de sujet. Le sujet, c'est nous. Le sujet, c'est vous, c'est l'humanité. Le sujet, c'est le clochard dans la rue. Le sujet, c'est les migrants. Il n'y a pas le politique qui prend, le migrant qui prend. Moi, j'ai pas de logement depuis 6 mois et le migrant m'a volé mon logement. Non, chacun a sa part. On est tous les mêmes. Il n'y a pas de moi, j'ai, lui, il n'a pas. On a tous ce qu'on n'a pas. On devrait avoir ce qu'on aura et on n'aura jamais ce qu'on veut. Donc, profitez de ce que vous avez. Et surtout, on a, voilà, on prend le bonheur. Et surtout, les amours, on ressent le débat. Non, en fait, on est obligé de mettre de l'agressivité dans le micro, parce qu'on ne nous entend pas, je suis désolé. J'aimerais finir sur un mot. Amour, paix et bonté, les amis. Et vivez dans le présent, hein. Arrêtez de regarder la politique, le machin. Déplacez-vous, regardez les gens, je t'aime papa. Il ne sait pas, c'est ça. Merci, merci, merci. Désolé d'avoir crié, hein, mais ça marche pas dans le micro, sinon. Hein. D'habitude, je suis calme. Alors, bonjour à tous. Je vais pas trop rebondir sur ce qui a été dit parce que c'était pas le sujet. Alexandre, enchanté. Peut-être que ce que je vais dire, ça va être un petit peu de la merde, hein, on va pas se mentir. Mais je vais pas trop poser de questions en soi, je vais juste faire quelques remarques. Je vais rebondir un peu sur ce qu'avaient dit les camarades sur les privilèges et autres. Faut savoir qu'il y a des études qui ont été faites par des députés, d'autres choses, mais on s'en fout, hein, en soi. L'année dernière, ou pendant les deux dernières années, nos anciens présidents ont coûté à peu près 6 millions d'euros aux contribuables. Alors, c'est pas 30 000 euros par mois, 6 millions d'euros, hein, c'est beaucoup plus. Et il faut savoir que cette année, une nouvelle étude a été publiée. A priori, ce serait monté à 9,6 millions d'euros. C'est-à-dire que Valéry Giscard d'Estaing, déjà, pour info, a une dizaine de gendarmes dans ses propriétés un peu partout dans la France, voilà, on va se mentir. Et en clair, ils sont là 100% du temps, alors que lui n'y vit peut-être que 10% de son temps. Voilà, donc il a des dizaines de gendarmes, des secrétaires, plein de personnes à son, comment dire, à son chevet, voilà, qui s'occupent de lui. Et a priori, lui, il coûterait la moitié de ce que coûtent tous les autres présidents. Hein. Pour une fois, Chirac est économe. Mais, alors, je voudrais dire autre chose par rapport à ses privilèges. Moi, j'estime que les ex-présidents de la République devraient retourner dans le civil. S'ils n'ont pas l'âge, ils y retournent pas. Enfin, tout simplement. C'est-à-dire qu'en clair, il faudrait, voilà, qu'ils soient élus, ils fassent leur putain de 5 ans, et ensuite, ils se barrent, ils vont dans le civil, et c'est tout. Voilà, je pense qu'ils ont eu assez d'argent pour pouvoir économiser avec leurs merveilleuses indemnités ou autres. Hein. Donc, ils peuvent économiser, ils peuvent aller dans le civil, surtout qu'en général, ben, ils n'ont pas moins de 30 ans, ils n'ont pas moins de 40 ans. Voilà, le minimum, ça a été Giscard, 48 ans, je crois, en 74, ouais, c'est ça. Même si j'étais pas encore né. Mais, en soi... Voilà, je pense que faut qu'il retourne dans le civil et je vais aussi rebondir sur autre chose là parce que je m'embrouille un petit peu. Pour le conseil citoyen, ouais c'est ça. Faudrait faire en sorte, je pense, voilà, pas de tirer au sort en fait les gens, mais de prendre sur un panel de volontaires, voilà, et de tirer au sort par rapport à ce panel de volontaires parce que c'est bien trop facile, je pense, voilà, de se présenter, de dire voilà, je suis volontaire. On sait pas trop ce que les gens pensent au fond, peut-être qu'ils sont en train de dire oh, moi je veux le pouvoir ou autre chose, enfin on s'en fiche un petit peu en soi. Mais je pense qu'il faudrait tirer au sort par rapport à ces volontaires, voilà. Et c'est pas premier arrivé, premier servi ou autre, mais je pense que voilà, ce serait bien en soi. Enfin, je sais pas trop si je me suis embrouillé, mais merci, voilà, bonne journée. Je crois que la crise de la démocratie représentative est effective. On le voit dans l'abstention, on le voit dans la défiance envers les partis politiques. Vous parliez tout à l'heure des représentants du peuple, des élites du tiers-État, vous avez dit. Si j'ai bien compris, ils représentaient vraiment les volontés du peuple et ils ont réussi. Aujourd'hui, on déplore nos députés. Hein. Je rappelle, par exemple, quelqu'un le soulignait tout à l'heure que notre Assemblée nationale ne représente pas du tout. Il y a aujourd'hui en France 24% d'ouvriers, il y a 1,9% d'ouvriers à l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, comme ils ne nous représentent pas, on est tenté d'aller vers le tirage au sort. J'ai pas d'avis particulier sur la question. Je note juste que Jean-Luc Mélenchon, c'était une mesure phare du M6R, et pourtant le M6R a été, enfin, ou est un flop. Enfin, on peut pas vraiment dire qu'il rencontre l'adhésion. Donc je me demandais comment aujourd'hui le peuple peut se sentir vraiment représenté s'il n'a plus aucune confiance dans les représentants déjà élus et dans ceux à venir, ni dans les partis politiques. Quel biais alors il nous reste? Alors il nous reste peu de temps par contre, donc très rapide alors, s'il vous plaît. Bonjour, ma question est juste complémentaire. À propos justement de la représentation, moi j'opterai pour les quotas. Et vous devinerez bien pourquoi. Alors moi, j'aimerais revenir sur l'élection au tirage au sort. C'est une bonne idée en soi. Il y a Étienne Chouard qui débat beaucoup sur le sujet. Hein. Qui seraient les garde-fous? Parce qu'on peut tomber sur tout et n'importe quoi. On peut tomber sur quelqu'un qui va nous sortir des phrases à la Göring pour éduquer le peuple, brûlons les livres. On peut tomber aussi sur ce genre de personnes dans les élections comme ça à tirage au sort. Donc qui seraient les garde-fous? Seraient-ils toujours les mêmes ou faudrait revoter encore pour des garde-fous à chaque élection? Je trouve ça très compliqué. Je vous laisse réagir. Bon, c'est super compliqué parce qu'il y a notamment beaucoup de choses. Je pense qu'il y a plusieurs choses en fait. Il y a tout d'abord le contrôle du pouvoir politique. Je crois qu'on parle beaucoup, on a beaucoup entouré ça. C'est-à-dire, quelle est finalement la meilleure garantie? Alors, je pense que c'est vrai que tout à l'heure, monsieur disait... c'est peut-être la rotation, en tout cas la volonté de non seulement mettre des garde-fous, c'est-à-dire venant d'en bas, c'est-à-dire rien n'empêcherait que on vote de plus en plus, c'est-à-dire que vous voyez que c'est ce qui se passait en 1793. Hein, sur chaque décision, il y avait un vote, et si jamais ceux qui étaient élus ne représentaient pas exactement le peuple, eh bien ils étaient déchus. Il faut savoir à l'époque peut-être la surveillance, le contrôle des représentants. Finalement, était beaucoup plus effectif parce que ce qu'on oublie, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé du monde politique, de la professionnalisation du monde politique. Ce qui pose aujourd'hui problème, c'est là, surtout on en parlait, je crois, avant mon intervention, c'est la concentration des pouvoirs. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est que l'homme politique, il va également être de l'incointance avec le monde médiatique, le monde des journalistes, etc. Et donc, il n'y a plus aucune forme de contre-discours. Et c'est peut-être aussi retrouver ça, hein, c'est-à-dire retrouver des moyens de faire perdre le monopole en quelque sorte d'une parole politique et d'une parole confisquée. Ça peut être, il y a des solutions possibles, hein, il y a des solutions possibles. Après, il est clair que quels sont les garde-fous concernant, c'est ce que disait quelqu'un là qui n'osait pas s'exprimer tout à l'heure, c'est-à-dire c'est vrai que à partir du moment où il y a un tirage au sort, on ne sait pas qui va arriver. Et ça, je pense qu'il faudrait inventer, on parlait du Conseil d'État, on parlait de tout un ensemble de contre-pouvoirs institutionnels. Je pense que rien n'empêcherait justement de remettre tout ça sur la table. Ça a été fait plusieurs fois. Il ne faut pas oublier que c'est vrai qu'aujourd'hui, changer de constitution, ça paraît tellement quelque chose d'impossible que finalement, je crois que tout le monde a un petit peu peur de s'y mettre. Il ne faut pas oublier que... entre 1789 et 1799, on a changé quand même 4 fois de constitution. On a changé dans un contexte beaucoup plus compliqué dans lequel on était, parce qu'on était quand même dans un contexte de guerre européen. Et je pense que là encore, c'est-à-dire de vouloir militer pour une nouvelle constitution, c'est quelque chose qui peut tout à fait être effectif. Je pense qu'il s'agit juste de se dire que c'est possible de passer en constitution. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tout et je m'en excuse. Ouais, bon, moi je sais pas ça, je peux pas te répondre, vraiment. Voilà, je m'excuse, je peux pas répondre à toutes les questions. Hein.